Vous écoutez France Culture. Dans l'engrenage de Christian Roux. Jouer Goodbye Pork Pie Hat au dessert, personne ne s'en rendra compte. Portrait of an Hermit à l'entrée non plus, notez bien. Un Français, quand ça bouffe, ça bouffe. Rien à faire du génie, des mystères de la création, de la mort des grands hommes. En toutes circonstances, l'ésophage reste roi. C'était valable aussi pour moi. C'est pourquoi je suis resté assis des soirées entières au piano du Saint-Jacques, à essayer de caser Mingus ou Monk entre un riz de veau et un filet de Saint-Pierre. Une seule composition digne de ce nom parvenait à remplir la double fonction de chef-d'œuvre et de tiroir-caisse. The Entertainer, de Scott Joplin. Les gens me le réclamaient sous le nom de l'arnaque. Jean-Marc, le patron, n'était pas le dernier, il trouvait ça drôle au moment d'apporter la note. Alors, va pour l'arnaque. Évidemment, d'être joué et rejoué à l'envi, le morceau en perdait tout son sel, mais le pourboire, ça compte dans une vie de pianiste de bar. Le plus gros que j'ai jamais reçu, c'est une vieille femme, Magali de Winter, qui me l'a donné, et plus d'une fois. Magali mangeait tous les soirs au Saint-Jacques. Moi, je n'étais présent que les vendredis et les samedis, et ces jours-là, sitôt entrée dans le restaurant, elle posait un billet de 10 sur le piano, un tiers du prix de son repas. En soi, c'était déjà remarquable, mais ce n'était pas tout. Elle pouvait doubler la mise si je jouais Lily Marlène. Et même la tripler si le morceau était bien interprété, comme elle disait. Hélas, je ne comprenais pas ce qu'elle entendait par là. Pour moi, je le jouais toujours de la même façon, et plutôt mal, en définitive, c'est-à-dire sans cœur. Ce n'était pas un morceau qui m'inspirait beaucoup. Il réclamait de la nostalgie, et c'était un sentiment dont j'étais dépourvu. Pour en éprouver, il faut trouver quelque chose d'aimable à son passé, et le mien n'était pas brillant. Ou alors je devais remonter jusqu'à ma plus tendre enfance. Mais si j'avais de bons souvenirs de cette période en elle-même, l'illusion dans laquelle elle m'avait entretenu, à savoir que le monde m'appartenait, me plongeait rétrospectivement dans une amertume trop profonde pour être génératrice de quelque art que ce soit. Après que le dernier accord de Lily Marlène eut fini de résonner, Magali de Winter achevait en silence la longue cigarette à bout doré qu'elle avait allumée durant l'introduction et que personne jamais n'avait osé lui demander d'éteindre. Puis elle disait « C'est gentil de l'avoir joué. » 20 euros. Ou « Vous l'avez bien interprété ce soir. » Et elle posait 30 euros sur le piano. Pour un job payé 80 euros au black, de 19h à minuit, repas compris, ça représentait une sacrée augmentation. Environ 3 mois après mon embauche, un vendredi de juin, Magali m'a invité à boire un verre. Jean-Marc a renaclé. Les clients, assommés de chaleur, ne manifestaient aucune intention de partir et consommaient boisson sur boisson. Ce n'était pas le moment pour moi de les lâcher. Mais Magali a vertement tensé mon patron. Elle estimait que j'avais droit à une pause, ce soir où j'avais particulièrement bien interprété Lily Marlène. Et elle a sorti un billet de 50 euros qu'elle a fourré d'autorité dans la poche de ma chemise. Jean-Marc n'a pas insisté. Les désirs de la meilleure cliente d'un restaurant sont des ordres indiscutables. Malgré l'air étouffant, j'ai commandé un whisky, Magali une coupe de champagne. Elle était toujours très élégamment vêtue, et même au plus fort de la chaleur d'une nuit d'été, elle portait des gants, très fins et très ajourés, mais des gants tout de même. Elle a dit dans un sourire... À mes 90 ans. Je lui ai rendu son sourire. Honnêtement, vous ne les faites pas. Vous êtes gentil. Mais ils n'en sont pas moins lourds à porter. Puis elle a ajouté... Vous savez pourquoi je porte toujours des gants? Parce que c'est la partie de son corps qu'on est obligé de voir. Et je ne veux plus rien voir de mon corps. Le visage passe encore. On se maquille. Mais les mains, elles, sont brutes de fonderie. Ça pend, ça polisse, ça se recroqueville. Park. Et après un bref moment de silence, elle a soudain murmuré, espiègle. Vous devez vous demander ce que Lily Marlène évoque pour moi. Je n'avais plus ce genre de curiosité. Les morceaux de musique populaire qui restent dans les mémoires des gens ont tous servi de bande-son à des histoires d'amour, quelles qu'elles soient. Amour morte, amour manqué, amours éternels, amours espérés, amours désespérés. Les mêmes rengaines, inchangées, traversent les siècles et les siècles. Mais il est inutile de blesser les gens pour rien, et encore moins les vieilles dames qui fêtent seules leur anniversaire en cachant leurs mains dans des gants. J'ai opiné du chef. Magali m'a expliqué, de façon tout à fait attendue donc, que Lily Marlène lui rappelait l'homme de sa vie. Elle a sorti une photo de lui, prise il y a très longtemps, un monochrome qui le montrait couvert d'un chapeau melon acheté en France et qu'il aimait beaucoup. C'était en fait un baron fortuné avec qui elle avait tout vécu. Aujourd'hui, il était mort et elle s'ennuyait. J'ai vite compris qu'en fait de tout vécu, elle ne parlait pas d'expériences comme le travail à la chaîne ou la dure réalité du chômage subi. Non, elle parlait de la grande vie. Elle et son baron avaient fait plusieurs fois le tour du monde, grimpé sur des montagnes avec Herzog, plongé au fond des océans avec Cousteau, tué des éléphants et applaudi des faenas avec Hemingway, exploité des fermes à travers toute l'Afrique, de l'Algérie au Zimbabwe. Enfin, un tas de choses comme ça qui rendaient Magali de Winter à la fois fascinante et répugnante. Quand le baron lui avait fait sa demande en mariage, elle avait accepté sous deux conditions. La première était de ne pas avoir d'enfant. Ça m'a épaté. J'ai fait un rapide calcul. Si Magali avait bien 90 ans aujourd'hui, et je n'avais aucune raison d'en douter, elle avait formulé ses exigences dans les années 40. Pour une femme de cette époque, c'était assez admirable. Et ça le serait sans doute encore aujourd'hui. Là, en plus, l'exigence était formulée au sein d'une famille de nobles, pour qui le maintien de la lignée a toujours été une loi d'airain. La seconde condition, également relative à la condition féminine, était de ne jamais avoir affaire à manger, ni à s'occuper d'affaires domestiques. Magali en était très fière, mais pour satisfaire à cette exigence, il fallait surtout avoir les moyens de se payer des serviteurs ou de manger tous les jours au restaurant. La merveilleuse insouciance des riches a toujours quelque chose de choquant. Malgré tout, j'étais touché par cette femme seule, dont la voix tremblait à l'évocation de son passé, tant elle était consciente non plus d'ouvrir le livre de ses souvenirs, mais de le refermer à jamais. Et l'un dans l'autre, Lily Marlène m'a beaucoup rapporté. Thank you. Le lendemain, Magali n'est pas venue. Ça m'a inquiété, mais Jean-Marc, de son côté, s'est montré fataliste. Elle part régulièrement en voyage. Je l'ai déjà fait remarquer qu'elle pourrait prévenir. Mais qu'est-ce que tu veux ? Ces gens-là naissent avec un gène de l'égocentrisme hypertrophié. On leur a raconté toute leur vie que le monde avait été créé pour les servir. Comment veux-tu qu'ils voient les choses autrement ? Je ne savais pas si je regrettais la présence familière de la vieille femme ou le billet qu'elle posait sur le piano, mais habité par une certaine mélancolie, j'ai entamé Requiem de Leni Tristano, un blues trop méconnu qui ne m'a jamais rien rapporté. D'une manière générale, je n'avais pas le temps d'achever l'introduction qu'un client venait me demander si je n'avais pas un truc un peu plus gai dans mon répertoire. Cette fois, c'est un type également bien pourvu en gêne de l'égocentrisme qui m'a interrompu. Grosse masse musculaire, trogne, ineffable. Il s'est planté à côté du piano et m'a fait une remarque du genre « C'est avec des merdes pareilles que tu comptes te faire du pognon ?» Je n'avais jamais dit que je comptais devenir riche. Sinon, à ma sortie de prison, je serais retourné auprès de Kamel. Il fallait être malade pour quitter Kamel. D'ailleurs, j'avais échoué. La preuve, Carlos était là, et il allait me demander quelque chose que je n'aurais sans doute pas le courage de lui refuser. Carlos ou Marco ou La Chic ou n'importe quel autre malabar, j'ignorais le véritable nom de celui-là, je ne le connaissais pas. Mais je savais, rien qu'à le voir marcher, que c'était un homme de Kamel. J'ai continué de jouer mon requiem. Jean-Marc m'a tapé sur l'épaule. On s'endort, là. Bonsoir, monsieur. Vous voulez vous asseoir près du piano ? Carlos a posé sur mon épaule un des boudins qui lui servait d'index. Je peux boire un coup au bar en l'attendant ? Ce n'est pas vraiment dans nos... Je peux aussi le péter, le bar. L'élégance des Carlos. Jean-Marc a laissé tomber. La violence était une chose qui le dépassait complètement, sauf dans le domaine sexuel. Non pas qu'il était pour les coups, mais quand même, faut y aller, comme il aimait à le répéter. Et que ça gueule ! Tant que tu gueules pas, c'est que t'as pas joui. N'empêche, il devait y aller un peu fort. Je ne l'ai jamais vu plus d'un mois avec le même mec. Et presque à chaque fois qu'il changeait, il me demandait « Franchement, dis-moi, elles ont le cul fragile comme ça aussi, les filles ?» Je n'en savais rien. Ça faisait longtemps que je ne baisais plus qu'avec mon piano. Pithecanthropus erectus. Cinquante en ville, 90 à la campagne, 130 sur l'autoroute. Un vrai pro, Carlos. De ceux qui savent qu'il est indispensable de respecter les lois les plus anodines si l'on souhaite enfreindre les plus graves. Pas un milliardaire, pas un truand de haut vol ne déroge à cette règle. Kamel avait déménagé. Il avait quitté les cités pavillonnaires de Drancy, où des gangs comme le sien et des familles de gitans sédentaires se partageaient des rues entières, pour venir se la couler douce dans l'ouest de l'Île-de-France, où créchaient pléthore d'hommes politiques, de dirigeants de multinationales et de stars du showbiz. C'était censé être des résidences secondaires, mais plus d'un accord de concurrence, tout illégal soit-il, y était signé à l'heure de l'apéritif. Centre dévoré, oui, mais pas avant d'avoir bouffé l'univers. Je t'ai fait venir parce que j'ai besoin d'un homme du monde. Le palace était plutôt joli. Si, à Naufle-le-Château, non loin des deux maisons qu'occupait l'ayatollah Khomeini quand il a fomenté sa saleté de révolution. T'as toujours su te tenir dans le monde. Et puis t'as toute ta putain de musique. Tu connais toujours tes classiques. Je ne m'en tiens plus qu'à l'essentiel. Les dernières sonates de Beethoven, les partitas de Bach, les deux derniers concertos de Bartok. Eh, l'alphabet des musiciens dépasse pas le B? Si, Stravinsky, Scriabine, Szymanowski. Ça va, fais pas chier avec tes Russes. Szymanowski était d'origine polonaise. Kamel m'a regardé d'un air plus noir que le vague magma qui lui servait d'âme. Et après un long soupir, a repris d'une voix calme. Et les tubes? Mendelssohn, la marche nuptiale, les valses de Chopin ou de Strauss, la truite de Schubert, la marche turque, tu sais pas jouer tout ça? Sur une croisière 5 étoiles va pourtant falloir. Merde, même moi je connais. Je pars en croisière? Pianiste, mon vieux. Et c'est tout? Presque. En fait, t'accompagnes le piano. C'est ça qui est bien avec les pianistes d'ambiance. C'est comme les secrétaires Louis XVI ou les Rolex. Sans eux, tu te sens plus pauvre et pourtant tout le monde les oublie. Entre le pianiste et le piano, il est même pas sûr que ce soit le piano le meuble. Après tout, c'est le piano qui fait du bruit. Le pianiste, il fait que remuer les doigts. Donc tu fais le meuble. Et quand on t'aura bien oublié, tu pourras entrer en action. Ou pas. Quel genre d'action? J'en sais rien. Moi, je fournis la cam et le bonhomme. C'est quoi, la cam? Un flingue. Oh, merde. Non, j'ai jamais fait ça, moi. Personne n'a dit que t'aurais à t'en servir. T'as pas plus d'infos que ça? Non. T'auras un contact sur place. Et pourquoi sur place? Parce qu'il est pas sûr que ça se fasse. À quoi bon donner des infos sur un événement si on n'est pas sûr qu'il va avoir lieu? Ça ressemblait à un drôle de sac de nœuds. Je me suis tout à coup senti très fatigué. J'ai arrêté tout ça, Kamel. 5 ans de prison. 5 ans que j'ai morflé pour toi sans moufter. Ça suffit pas pour rembourser ma dette? T'aurais dû arrêter le piano. Des porte-flingues, j'en connais des centaines. Mais des types capables de dégainer des gammes, j'en connais qu'un et c'est toi. Et on va pas en causer pendant des plombes. Tu connais la chanson, si je puis dire. Je la connaissais en effet, mais il n'a pas pu s'empêcher de la pousser, sur un ton un peu las. Si tu refuses, Armand va te casser tous les os, surtout ceux des doigts. Et peut-être même les couper, tu sais, à la tenaille. Armand, je n'y aurais pas pensé. Oui, je sais, j'ai répondu. Il avait raison. À quoi bon perdre du temps? On peut se dire que c'est le dernier truc que tu me demandes? Que je ne te devrais plus rien? Ça dépend de toi. T'as arrêté de jouer? J'ai ravalé ma salive. De ce côté-là, ça allait mieux, mais rien n'était encore gagné. Il a cligné de l'œil. Tu vas aimer. Il y aura plein de Russes. Vous avez déjà vu voler un piano? J'ignore pourquoi, mais à ce moment-là, c'est le premier mouvement de la symphonie en la majeure de Beethoven qui s'est imposé à moi. À mon humble avis, son seul véritable hymne à la joie, l'ode de la neuvième, étant avant tout un poème dédié à l'infini possible de la création. Je voyais le grand queue tournoyer dans les airs, jusqu'au moment où il a masqué le filin de la grue et où, comme il se découpait en contre-jour dans le ciel uniformément bleu, on ne pouvait plus distinguer les sangles qui l'enserraient. Alors, vraiment, j'ai eu l'impression qu'il volait, majestueux. Et j'entendais en même temps ces montées de gamme de l'introduction de la septième, si simple et si extraordinairement agencée sous les arpèges descendants du thème, si simple aussi et pourtant si beau. Durant un bref instant, j'ai réussi à croire que cette croisière ne serait pas forcément désagréable. Mais allez savoir pourquoi, j'ai repensé à Stockhausen. Lui, il aurait cisaillé le filin et aurait enregistré le bruit du piano percutant le sol avant de se désagréger sur les pavés. Une longue agonie jusqu'au silence total après que la dernière corde eut fini de zinguer. Il aurait appelé ça Alexandroupolis, grue et piano tombant sur le quai, comme il avait appelé certaines de ses œuvres réalisées suivant le même principe, piano cinquième étage, ou un nom approchant. Et j'ai vite craint que ma croisière prenne plutôt cette tournure-là. Au juste, ce n'était pas vraiment une croisière, mais un genre de fête de post-mariage qui s'étendait sur une bonne semaine. Une balade en mer Égée. Samothrace, Gœtcheada, les Dardanelles. Anne Beaupré d'Enghien, la fille d'un grand capitaine d'industrie français, épousait Sviatoslav Kaniliev, un pacha sibérien issu d'une famille de Russes nobles qui avait su se faire oublier en 17 et avait patiemment attendu un retour de l'histoire pour prendre leur revanche. Surfant sur les décombres de l'URSS, sans oublier d'être assez malin pour en faire profiter Vladimir Poutine, ils avaient vite fait fortune et retrouvé par le même coup leurs vieilles habitudes oligarchiques. J'ai suivi le piano en passant par la passerelle, et comme tous les membres du personnel, je suis passé par la fouille, une fouille sévère, très pointue, qui m'a laissé perplexe quant à la possibilité de faire entrer une arme ou je ne savais quoi d'autre à bord. Ensuite de quoi, un majordome m'a invité à le suivre. Sviatoslav voulait me voir de suite. L'Opus était un yacht de 113 mètres de long et 17 mètres de large, pourvu de 25 cabines, ce qui suffisait pour loger les 50 invités, en sus des nouveaux mariés à qui les quartiers du propriétaire étaient destinés. Il était loué 630 000 euros la semaine, avec un équipage permanent de 20 personnes, et la possibilité de loger, voire d'entasser, 10 employés supplémentaires, les très riches ayant un mal fou à se séparer de leurs serviteurs habituels, comme vous de votre paire de chaussettes préférées. Il y avait un héliport aussi, et toute cette eau autour. J'ignorais ce que mon contact avait prévu, mais pour se tirer de là sans dommage, pour peu que cela s'avérerait nécessaire, il allait falloir être très judicieux. Sviatoslav m'attendait sur le deuxième pont, un verre à la main, les yeux tournés vers le large. Une brise tiède et légère atténuait idéalement une chaleur qui, sur le quai, était étouffante. Preuve imparable qu'on avait changé de monde. À quelques dizaines de mètres de distance, tout ce qui était perçu comme moite et pesant devenait comme par miracle confortable et rafraîchissant. Seul désagrément peut-être les bruits de certains préparatifs, les caisses d'alcool traînées sur le sol, les premiers tintinabulements de casseroles, les invectives des serviteurs en dialecte hindou, alors que les portes des cuisines étaient encore ouvertes. Au loin, l'accordeur tambourinait chaque note du piano plusieurs fois, en vissant ou dévissant les chevilles qui tendaient ses cordes. Fidèle à ses origines, Sviatoslav parlait un français impeccable, à peine coloré de quelques intonations slaves. Vous avez vu le piano ? N'est-il pas exceptionnel ? Je l'ai vu voler, oui. C'est en effet assez rare pour un piano. Sviatoslav a souri poliment, sans trop montrer ses dents, comme savent le faire les vrais carnassiers. C'est un Steinway & Sons de 1916. J'ai sifflé. À cette date, les pianos étaient encore fabriqués avec de vrais bois, séchés pendant des décennies. Marque de goût ou marque de luxe ? Allez savoir. dans cet univers où un Van Gogh vaut autant pour sa beauté que pour le placement qu'il représente. Je penchais tout de même pour le mélomane averti, Sviatoslav ayant exigé que l'accordeur nous accompagne afin que l'instrument soit réglé tous les jours. La thèse du mélomane était aussi étayée par cette volonté d'avoir voulu charger un nouveau piano. Celui de l'Opus était un magnifique Bösendorfer, mais de 10 ans d'âge, construit donc avec des bois séchés au four. Son fin, ciselé, ample, perlé et précis. Terriblement précis, mais moderne, donc identique à celui de tous les pianos modernes. Et c'est bien là le défaut des pianos modernes. Sviatoslav a continué. Je pense que vous passerez un bon moment parmi nous. J'espère que, de mon côté, j'aurai le temps de venir vous écouter. Je dois m'occuper de ma toute nouvelle femme, de mes invités. Et puis, vous imaginez bien que les affaires n'attendent pas la fin des lunes de miel pour se remettre en branle. Il y aura sur ce bateau quelques invités utiles, dont un particulièrement raffiné et qui devrait souvent vous rendre visite. Heinrich Mainz. Des laboratoires Mainz? Je croyais qu'il ne sortait jamais de sa tour d'ivoire. Les Mainz sont des faunes quelque chose. Dans les années 30, la particule est devenue aussi difficile à porter que l'étoile jaune. Comme chez nous. Bref, Heinrich est de la famille de ma nouvelle femme. Cela étant dit, il n'est pas encore certain qu'il viendra. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? Sviatoslav s'est raidi. Il était allé trop loin. On peut condescendre à discuter avec un employé, on peut même lui être agréable, mais on n'a rien à lui expliquer. Vous tiendrez le piano tous les jours de 11h à 15h, autant dire de l'apéro au pousse-café, et de 18h30 à 1h du matin, voire plus si affinité. Le reste du temps, le piano sera verrouillé, et vous serez le seul à en détenir la clé. J'ai levé un sourcil. Je ne voudrais pas que n'importe qui pose ses sales pattes sur un piano de cette qualité. On risque d'esquinter les oreilles d'Heinrich. C'est comme une Rolls, vous comprenez? Une Rolls, c'est un chauffeur qui la conduit et qui en prend soin. L'accordeur est fini. Je vous laisse prendre le volant. Et quelle Rolls! En égrenant les premières notes d'un impromptu de Schubert, j'ai cru entendre cette sonorité particulière qu'avaient mes vieux disques d'Alfred Brendel, un pianiste autrichien qui savait comme personne faire chanter le bois du piano, et pas seulement ses cordes. Tout ça fleurait bon la fin du XIXe siècle, et bientôt je me prenais à rêver d'une croisière gréco-viennoise, sifflant quelques vers d'ouzo au bar avec Stefan Zweig et Gustav Mahler, avant que tout... L'humanité, sa culture, la tendre folie de l'une, la violence raffinée de l'autre, est basculée dans le monde d'hier. Mais l'accordeur, plus pragmatique, me ramena à la réalité en invectivant un do dièse et un mi bémol. C'est bien beau ces vieux pianos, mais qu'est-ce qui bouge? Avec la houle, l'air marin et l'hygrométrie, ça ne risque pas de s'arranger. Max Blaustein. J'ai serré la main qu'il me tendait. C'était un homme d'un certain âge, comme on dit pour ne pas froisser les septuagénaires, efficace et plutôt distant. Il côtoyait des milieux de conditions élevées, mais de toute évidence, il n'en était pas issu. Patron d'un côté, serviteur de l'autre. Comme moi, il avait pris l'habitude de se tenir à égale distance des deux pôles qui, chacun à leur manière, selon l'humeur du jour, le respectait ou le méprisait. Après l'heureux mari, le commanditaire idéal, l'accordeur aurait pu faire un bon contact. Mais alors que nous étions seuls, aucun des deux ne m'avait entretenu d'autre chose que de piano. Ça ne voulait rien dire. Kamel avait bien précisé que les choses pouvaient ne pas se faire. Tout ça m'angoissait. Sitôt à bord de l'Opus, j'avais espéré connaître l'objet de ma mission afin de pouvoir étudier mon plan d'action. En attendant, je n'avais rien d'autre à faire que jouer mon rôle. Le Steinway m'y aidait bien. C'était de la vraie grande drogue. Dès que je posais mes mains dessus, j'oubliais tout. Après quelques rappels à l'ordre, j'ai laissé de côté Bartok et Prokofiev, mais j'ai pu pousser plus loin que la marche turque. Et je n'oublierai pas de sitôt la sensation que m'ont laissé les graves du piano quand j'ai entamé la fantaisie en ut mineur de l'autre Mozart, comme j'aimais dire. Une fois la fantaisie achevée, alors que je détachais mes doigts du clavier, j'ai entendu le léger bruit de souffle que fait un fumeur quand il exhale sa fumée par les narines. Puis une voix familière a dit dans mon dos « J'ignorais que vous aviez tous ces talents. Comment se fait-il que vous perdiez votre temps au Saint-Jacques ?» Il y a plusieurs façons de rater sa vie. La pire étant sans doute d'être le second. Vous avez travaillé d'arrache-pied, au moins autant que le premier. Ça a même été plus dur pour vous parce que votre milieu n'était pas porteur, comme on dit. Vous y avez mis tout votre cœur. Vous l'avez fait parce que vous aimez profondément la musique que vous avez décidé de servir. Oui, vous avez même su dépasser les questions d'ambition personnelle. Dans un monde qui coule, vous voulez que résonne encore et encore lutte majeure du dernier accord, du dernier mouvement, de la dernière sonate de Beethoven, car vous avez le sentiment que seule cette résonance pourra encore sauver quelque chose. Armé de votre travail, de vos convictions et de votre abnégation, vous vous présentez aux grands concours nationaux et vous arrivez deuxième, derrière un gommeux. Un blondinet idéalement romantique qui échange des coups d'œil complices avec le directeur de la salle où se déroule le concours et avec le président du jury, vieille connaissance de la famille, hôte régulier de la table des parents, premier violon d'orchestre prestigieux. Un blondinet qui est né pour être où il est, en somme, et qui tient merveilleusement sa place. Parce que le pire, c'est qu'il joue injustement, extraordinairement et prodigieusement bien. Et vous ne comprenez plus rien. Mais vous n'êtes pas assez bête pour fustiger la consanguinité qui lie le jury et le gommeux, non. Ce que vous vous demandez, c'est comment, alors qu'il n'a rien vécu, le gommeux a-t-il pu exprimer toute la souffrance, toutes les émotions contenues dans les œuvres qu'il a interprétées? C'est une question vaine, nourrie de votre profond athéisme et de votre refus de croire qu'il existe des talents innés, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous la poser en boucle. Alors que vous avez encore les doigts en feu et le cœur en écharpe, deux ou trois personnes sympathiques viennent vous complimenter chaleureusement. Le jury est injuste. Votre interprétation de la 8e sonate de Prokofiev était vraiment meilleure. Mais ce n'est pas vous que viennent voir les agents. C'est le gommeux. Sauf un. Un type un peu bizarre, bourré de tics, incapable de dire trois mots sans se gratter le nez, l'épaule ou les flancs. Il vous explique que pour des talents comme vous, il y a un autre public, un public exigeant, mais qui souhaite rester très discret et qui paye pour ça. Vous jetez un vague œil sur le siège du piano où vous avez abandonné un vieux mouchoir sale qui pourrait bien être votre âme, et vous suivez l'agent très spécial. Une des premières soirées que j'ai accompagnées rassemblait des médecins. Je devais jouer à l'apéritif et au dessert, plutôt du jazz, un domaine que j'avais aussi beaucoup étudié. À minuit, ils m'ont payé, 1 000 francs. Oubliez les 150 euros que ça représente aujourd'hui. À l'époque, 1 000 francs, c'était un loyer moyen pour un studio. Autant dire que c'était beaucoup. Alors que j'allais partir, les médecins ont poussé la table où ils avaient dîné et ont apporté une grosse roulette. J'ai demandé si je pouvais miser. L'hôte m'a souri. C'est comme vous voulez. Mais je vous le déconseille fortement. Votre paye de ce soir, c'est notre mise minimum. Je suis resté. Et j'ai attrapé un sale virus. L'agent très spécial m'a rappelé à l'ordre. Je faisais ce que je voulais de mon fric, mais pour sa clientèle, je devais n'être qu'un pianiste, rien d'autre. C'est lui le premier qui a utilisé le terme de meuble pour décrire ma fonction. Et c'était valable pour tout. De temps en temps, une femme, convaincue qu'un type qui savait quoi faire de ses 10 doigts sur un piano saurait où les fourrer au lit, venait me faire sentir son parfum d'un peu plus près. Au début, vous ne vous faites pas trop prier, mais très vite, une ou deux corrections bien dosées, dispensées par des professionnels de la chose, vous font comprendre que si vous souhaitez conserver les 10 doigts en question, vous avez intérêt à vous limiter à ce qu'un meuble sait faire le mieux au monde, rester à sa place. Au fil du temps, les soirées se sont faites de plus en plus fastueuses et de moins en moins avouables. L'agent très spécial, trouvant que je jouais parfaitement mon rôle de meuble, a fini par ouvrir mes tiroirs et mettre des choses dedans, comme de la cocaïne. Les clients la prenaient et mettaient des billets à la place. Et quand l'agent venait reprendre les billets, il en laissait traîner quelques-uns pour moi, que je filais aussitôt dépenser au casino ou aux tables de poker. Je revoyais aussi souvent mes médecins, mais je ne jouais plus de piano pour eux. Et comme tous les joueurs, j'ai fini par être salement endetté. Kamel fait partie de ces gens qui remboursent vos dettes, mais pas pour vos beaux yeux. Et un jour, l'agent très spécial m'a demandé « Ça compte beaucoup pour toi ?» La vie humaine. Évidemment, je n'ai rien raconté de tout ça à Magali de Winter. Je ne suis d'ailleurs pas certain qu'elle attendait vraiment une réponse. Mais j'étais content de la voir ici. Au fond, c'était un bout de mon monde qui débarquait avec elle. Ses cigarettes, ses tenues élégantes et ses éternels gants. Et je me suis tout à coup senti beaucoup moins seul. De son côté, elle a expliqué sa présence sur l'opus d'un simple mouvement d'épaule. Qu'une de trucs soit invitée au mariage d'une de machin, ça vous étonne? Elle est très vite devenue ma plus fidèle auditrice. Le piano était si dans une pièce relativement intime, tendance salon de thé, à l'écart des agapes. Magali passait là le plus clair de son temps, à fumer ses cigarettes. Ici, comme au restaurant, personne n'osait rien dire à la vieille dame, et du coup, moi aussi, je pouvais fumer. De temps en temps, quelques hommes d'affaires venaient s'échanger des fortunes. Les milliards tourbillonnaient autour de moi, se mêlant aux volutes de notes et de fumée de cigares. Le sujet qui revenait le plus souvent sur le tapis, c'était comment ils allaient faire à l'avenir pour empêcher les États de mettre la main sur leur argent. C'était troublant, cette obsession qu'ils avaient. Peu leur importait qu'ils n'eussent pas assez de sang-vie pour profiter de leur fortune, ce qui comptait par-dessus tout, c'était que l'État, ce grand amalgame de peuples et de lois visant au bien vivre ensemble, dans le meilleur des cas, ne s'empare en aucune façon de la moindre parcelle de leur trésor. Les paradis fiscaux venaient de faire l'objet d'un feu nourri et en Europe, quelques salves avaient touché leur but. L'internationale financière avait encore les choses en main, mais pour combien de temps? Moi, la seule question qui me turlupinait, c'était quoi, quand, comment? Mon dernier espoir était que la réponse tombe du ciel avec Heinrich Mainz. Il a rejoint la croisière le 3e jour. alors qu'on évoluait entre le chapelet d'îlots semé dans la mer au sud de Gutchiada et les Dardanelles. Le soir même, il était dans le salon, à discuter avec deux autres types du même âge, 70 ans environ. J'ignorais ce qui avait fait penser à Sviatoslav que c'était un mélomane. Pour l'heure, à l'instar de tout un chacun, il me considérait comme un meuble. Peut-être fallait-il avant tout que le meuble soit de qualité supérieure. Après tout, ces gens s'entouraient d'antiquités hors de prix, mais ils ne passaient pas leur temps les yeux rivés dessus. Ils aménageaient leur environnement, c'est tout. Magali aussi était là, plus sombre que d'habitude. Tassée dans un coin de la pièce, elle fumait en silence. Pour la ravigoter un peu, tout en me disant que ça ne devrait pas défriser les Allemands, j'ai égrené les premières notes de l'intro de Lily Marlène. Le thème était bien enfoui sous les accords, mais la vieille femme l'a immédiatement reconnu. Elle s'est levée d'un bond, avec toute l'énergie que ses 90 ans voulaient bien lui laisser, et a sifflé « Non, pas maintenant !» J'ai vite ôté mes doigts du piano, comme si je m'étais brûlé. « Comment ça, pas maintenant ?»« Pas ici. Ne jouez cette chanson que lorsque je vous le demanderai expressément. » Elle a doucement posé sa main sur mon épaule. « S'il vous plaît. » Et elle s'est retirée, me laissant seule avec les trois Allemands. L'arrêt soudain de la musique leur ayant fait prendre conscience que j'existais, ils m'ont demandé d'interpréter des airs connus, de la musique de salon, comme on disait autrefois, des valses de Strauss, de Chopin, mais aussi pas mal d'airs d'opérette qu'ils reprenaient en chœur ou qu'ils me chantaient afin que j'improvise un accompagnement. Chaque morceau les renvoyait à des souvenirs graveleux, les pires mettant en scène des dépucelages de princesses, duchesses ou plus simplement de jeunes futures héritières de royaumes financiers. Enfin, ils ont fini par aller se coucher. J'ai fermé le piano, j'ai fait un tour aux toilettes et je me suis rendu sur le pont arrière pour y fumer une dernière cigarette. Les agapes ne m'intéressaient pas beaucoup et je fuyais la salle de jeu comme la peste. Max était là, accoudé au bastingage. J'en ai profité pour lui parler d'un problème avec un la bémol. Mais la conversation a subitement pris un tour beaucoup plus sérieux. Tout en secouant la tête, les yeux plongés dans l'eau noire, il a sifflé entre ses dents. Je me demande comment vous faites pour les supporter. J'ai haussé les épaules. De qui parlez-vous ? Ces types pour qui vous avez joué toute la soirée. On me paye. Ça aide à supporter beaucoup de choses. C'est ça. Jouer les cyniques. Hermann Schleyer, Heinrich Mainz, Rodolphe Boyer sont des enfants de ces lignées d'industriels qui se sont fait des fortunes sous Hitler grâce à sa politique d'extermination et de guerre totale, mais qu'on a maintenu à leur place sous prétexte qu'ils étaient indispensables à la reconstruction de leur pays. Ces salopards ont en grande partie décimé ma famille, mais les leurs prospèrent bien. Très bien, même. Avec la complicité de tous les États, de toutes les richesses mondiales. Les pères des joyeux lurons que vous avez égayés faisaient partie des Einsatzgruppen, ces sortes de milices militaires créées par Reinhard Heydrich, soi-disant pour protéger les arrières des troupes allemandes d'occupation en éliminant tous les opposants, comme par hasard juifs ou communistes, en réalité pour mettre en œuvre la première Shoah, vous savez, scène par balle. On dit qu'au moment de commettre leur crime, les membres des Einsatzgruppen chantaient Lili Marleen. Je croyais qu'elle était une des rares chansons communes aux militaires de toutes les armées occidentales. L'un n'empêche pas l'autre. Lili Marleen est le seul véritable tube qu'ait produit l'Allemagne nazie et c'est un hymne à la paix. Ou plus exactement, au retour à la paix. Ironique, non? Pourquoi me dites-vous tout ça? Vous avez quelque chose de particulier à me demander? Vous sembliez étonné de la réaction de Magali quand vous avez égrené les premières notes de Lili Marleen. Vous étiez là? Je ne suis jamais aussi loin que vous le pensez. À votre avis, quelle version de Lili Marleen Magali a-t-elle adoptée? L'hymne au meurtre ou l'hymne à la paix? Que voient défiler les fils d'exterminateurs quand on joue cette chanson devant eux? Qu'est-ce que vous faisiez là, Blaustein? Contentez-vous de respecter les souhaits de Magali. C'est fondamental. C'est même plus que fondamental. C'est notre clé des champs. Ces paroles ont eu sur moi l'effet d'un électrochoc. Et qu'est-ce que j'aurais à faire d'autre? Vous connaissez l'antienne? Moins vous en saurez. Jouez Lili Marleen du mieux que vous pourrez, mais jouez-le au moment opportun. Croyez-le ou non, c'est tout ce qu'on vous demande. Attends, excusez-moi, j'ai sommeil. N'oubliez pas mon la bémol. Une femme qui prenait l'air un peu plus loin s'est tournée vers nous. Blaustein en a fait fi. Je m'en occupe demain matin, à la première heure. Et vous, puisque vous semblez aimer les devinettes, n'oubliez pas où nous sommes. Des milliardaires, des capitalistes russes, des aristocrates, des ex-nazis, un accordeur juif au moins aussi véreux que moi, une vieille dame romantique. Qu'est-ce que je venais foutre au milieu de tout ça? N'oubliez pas où nous sommes. Nous voguions aux abords des Dardanelles. En face, c'était l'ancienne Troie. Mais alors? Ce qui était sûr, c'est que l'arrivée d'Heinrich avait tout déclenché. Une prise d'otage? Un assassinat? Bordel, c'était de pire en pire. Une fois couché, j'ai repensé à la question de l'agent très spécial. Je n'ai jamais eu à y répondre. Le soir même où il me l'a posé, je pianotais et dealais dans une grosse fête à Cannes. Il y avait là des producteurs de cinéma, des réalisateurs, des écrivains célèbres, des acteurs nationaux, internationaux. Des filles aussi, pas toutes majeures, mais pas vraiment mineures aux yeux de la justice. Les flics ont débarqué là-dedans. Ça a fait un peu de grabuge, mais la justice a oublié les filles. Ne sont plus restés que quelques écrivains, des acteurs, le fléau de la drogue, et moi, le dealer, pris la main dans le sac, les preuves solidement lestées au flanc du piano. Je n'ai dénoncé personne, évidemment, et j'ai pris le... Je me suis levé d'un bond. Bon sang, comment avais-je pu ne pas y penser plus tôt? Les flancs du piano! N'oubliez pas où nous sommes! Trois, le cheval, ce truc qui marchait depuis la nuit des temps et qui marcherait jusqu'à la fin, comme toutes les légendes au fond. Si quelque chose était entré dans ce yacht, il y était entré par les airs, dans un écrin de bois au vu et au su de tout le monde. Je me suis levé, me suis rhabillé et ai foncé dans le petit salon où j'ai entrepris d'ausculter le piano sous toutes ses coutures. Sachant ce que je cherchais, je n'ai pas eu de mal à le trouver. Mustang Arms Whisper. Balle de calibre 22 subsonique, silencieux intégré. Une vraie arme de tueur. J'avais déjà vu des Carlos frimer avec ça. Bon. Il s'agissait donc bien d'un assassinat. Mais qui? Quand? Et surtout, comment faire, en milieu clos, pour que la chose ne me retombe pas dessus? J'ai remis l'arme en place et j'ai soigneusement refermé le piano. Qu'est-ce qui avait pu faire penser à Kamel que je serais prêt à faire ça? L'agent très spécial avait-il interprété mon silence? Ma résistance à la prison, le fait que je n'avais jamais rien lâché, ma propre dépravation, avait-il convaincu Kamel que j'étais capable de tout? Je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse du premier pont, où donnait la porte-fenêtre de mon salon. Évidemment, je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. À 7 heures, les derniers fêtards étaient partis se coucher, et les premiers n'étaient pas encore levés. Je pouvais profiter tout mon sou de l'horizon méditerranéen. Un café, le bleu du ciel, le soleil, la mer, la brise légère. Ok, la richesse a du bon. Encore faut-il, pour profiter vraiment de ces privilèges, ne pas avoir à se demander si c'est aujourd'hui que vous allez devoir tuer quelqu'un. Et qui? Et si vous y arriverez? Une odeur de tabac est venue me chatouiller les narines. J'ai levé les yeux. La silhouette de Magali de Winter, un chapeau melon sur la tête, semblable en tout point à celui de la photo qu'elle m'avait montrée au Saint-Jacques le soir de son anniversaire, les mains encore et toujours gantées, agrippées au bastingage, se découpaient sur le ciel. Une découpe parfaite, soulignée par l'ombre que le soleil jetait impeccablement sur les rayures noires et grises du pont Antec. Pour un peu, on aurait cru une photo de l'Artigue. Elle s'est tournée vers moi. C'était vraiment une bénédiction de tomber sur vous. Et en même temps, je le regrette un peu. Vous savez? Oh, je ne sais rien. C'est Blaustein qui a manigancé tout ça pour moi. J'ai mes raisons. Mais vous, je reste convaincue que vous valez beaucoup mieux. Maintenant, dès que vous vous sentirez prêt, je veux bien que vous le jouiez. J'ai tout à coup compris ce qui allait arriver. Une fois de plus, on me demandait de n'être qu'un meuble. Je suis entré dans le salon. J'ai ouvert le piano et j'ai entamé Lily Marlène. La vieille dame, les yeux rivés sur l'océan, se balançait doucement au rythme de la musique. Sans surprise, Blaustein est entré dans le salon et a mis un doigt sur ses lèvres. Il avait déjà le Mustang dans la main. Récupéré juste derrière moi, sans doute. Qui d'autre aurait pu aménager une planque dans le piano de Troyes? Tout en s'approchant de Magali, dont quelques cheveux blancs échappés de leur chignon voltaient dans le vent, il a fait de légers moulinets avec le canon du pistolet pour m'enjoindre de continuer à jouer. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? D'une manière ou d'une autre, nous étions tous aux ordres de la vieille femme. Arrivé à 2 mètres d'elle, Blaustein a levé son arme et a tiré. Une balle dans la tempe. Le chapeau melon s'est envolé. Le corps est tombé à l'eau. Blaustein a jeté le Mustang à sa suite. Il a juste dit... C'est vrai qu'il sonne faux, ce la bémol. Laissez-moi votre place, qu'il m'en occupe. Mais il n'en a pas eu le temps. À la seconde où il s'asseyait sur le fauteuil, des hurlements ont retenti dans l'une des coursives, puis dans une autre. Blaustein a doucement refermé le couvercle du piano. Une larme est venue s'écraser dessus. « Je n'arriverai à rien », a-t-il dit. « Il y a trop de bruit. » Abasourdi, j'en étais encore à me demander pourquoi il avait l'arme en main en entrant dans le salon. Maintenant, je sais comment jouer Lily Marlène, parce que je sais ce qu'il raconte. Officiellement, c'est l'histoire d'une vieille femme qui, au soir de sa vie, a décidé de tuer trois hommes, Hermann Schleyer, Heinrich Mainz et Rodolphe Bauer, avant de se tirer une balle dans la tête. Le mobile, le lien entre tous ces gens, impossible de les découvrir. Le mari de la vieille dame était un baron allemand, ça expliquait bien peu de choses. Quant aux trois familles en deuil, elles n'ont pas su apporter de réponse. Il faut dire aussi qu'elles ne tenaient pas à exposer le sombre passé de leurs victimes. Les soupçons se sont portés un moment sur le pianiste, dont on a découvert qu'il était un ex-taulard, mais on l'avait entendu jouer sans s'interrompre, jusqu'au cri des femmes de chambre qui découvraient les trois cadavres. D'ailleurs, l'accordeur était avec lui. La veille au soir, les deux hommes s'entretenaient d'un problème de la bémol. De toute façon, on a trouvé l'arme du crime au fond de la mer, à côté de la vieille dame allongée sur le sable, et même si, à cause de ses gants, on n'a pas pu relever d'empreintes, ça a suffi. Officieusement, Blaustein avait fait son boulot, et il avait trouvé une porte de sortie imparable en livrant sur un plateau une meurtrière à la justice. Il est passé me voir un soir, après un concert que je donnais. Magali lui avait demandé de ne pas me laisser dans l'ombre. C'était un ami des De Winter depuis très longtemps. Sa sœur aînée, une gamine de 5 ans, avait échappé à la Shoah grâce au baron, un résistant allemand de la première heure. Et le baron, c'était ce qui comptait le plus au monde pour Magali. Elle a tenté de lui survivre pendant quelques années, mais quand elle en a eu assez, elle a cherché le meilleur moyen de mourir. S'éteindre à l'endroit même où les cendres de son époux avaient été répandues, en entendant leurs chansons préférées, interprétées le plus idéalement possible. Voilà tout ce qu'elle souhaitait. Ne soyez pas surpris, elle savait que je pouvais le faire. Elle vous a sans doute raconté ces histoires de riches inconsistants voyageant au gré de leur passion, mais... les choses n'étaient pas si simples. Plus d'une vocation d'espion est née pendant la guerre. Des résistants comme les De Winter ne pouvaient pas retourner à une vie normale. Moi aussi, j'ai été espion. Pendant l'autre guerre, la froide. Après la chute du mur, pour maintenir mon train de vie, j'ai dû changer d'activité. Bref, j'étais capable de réaliser le vœu de Magali, et elle le savait. C'était difficile à monter, mais il y a eu l'opportunité de cette croisière. Et quand j'ai appris que Magali s'était entichée d'un pianiste au passé pas très net, tout s'est enchaîné dans la plus grande souplesse. Elle était au courant pour les meurtres ? Naturellement. Et elle aimait les plans parfaits. Cette dernière action l'a presque enthousiasmée. Bon, ne faites pas cette tête. Le secret est peut-être une déformation professionnelle, mais si on vous avait mis au courant de tout, comment auriez-vous pu gérer cette histoire d'assassinat ? Mais dites-vous que sans vous, rien n'aurait été possible. Ce contrat m'a rapporté énormément d'argent. Magali a fini sa vie en beauté. Et vous, vous êtes définitivement débarrassé de Kamel. J'avais quitté le restaurant. Tous les soirs, Jean-Marc revenait sur cette histoire. C'est incroyable quand même. Tu imagines, cette femme. Et toi, tu étais là. C'est incroyable. Des clients s'y mettaient à leur tour. C'était insupportable. Mais il n'y avait pas que ça. J'ai fini par comprendre que les seconds, mais également les troisièmes, les dixièmes et les centièmes, avaient eux aussi le devoir d'essayer. J'ai aussi découvert que les musiques qu'on aime peuvent changer de sens au fil de notre existence. Oui, pour moi aujourd'hui, Lily Marlène a une histoire. Et Goodbye Pork Pie Hat, c'est vraiment un adieu à un chapeau melon. C'était « 10 doigts dans l'engrenage » de Christian Roux, avec le pianiste Éric Herson-Macarel, Magali de Winter, Lucienne Troca, Max Blaustein, Georges Kless, Jean-Marc, Olivier Clavry, Carlos, Bernard Bouillon, Kamel, Richard Chevalier, Sviatoslav Kaniliev, Miglen Mirchev, l'agent Loïc Oudré, l'hôte Jean-Pierre Moreux. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son et mixage, Bernard Laniel. Assistance technique et montage, Emmanuel Armin. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Étienne Vallès. Retrouvez en kiosque la collection des petits polars du monde avec SNCF.